Les hommes sangliers de Joseph Henry Books, dit Rosny Aîné. La caravane entra dans la forêt qui d'heure en heure devint plus féroce et plus sournoise. Le peuple des arbres croissait, ainsi qu'au temps où l'homme était une bête parmi les autres bêtes, comme elle, sans armes, comme elle, sans autre prévoyance que l'instinct millénaire. Au passage de la caravane, les fauves s'immergeaient dans les fourrés ou se terraient dans les bauges. Rarement un cervidé filait sous des ramures lointaines. Un singe montrait une tête astucieuse. Les psittacides élevaient leurs voix insolentes, mais on avait la sensation d'une vie mystérieuse et sans nombre. Elle se décelait par des traces subtiles, des effluves fugitifs ou des frissons légers. La méfiance infinie, la ruse toujours aux aguets, la patience inépuisable équilibraient le drame de la bête qui dévore et de la bête qui est dévorée. La nuit vint. La caravane campa dans une échancrure de la forêt bleue qu'une rivière séparait de la forêt rouge. Des feux projetèrent leurs lueurs de cuivre mêlées aux eaux fugitives, à l'image tremblotante de la lune et aux palpitations sauvages des sylves. On entrevoyait des crocodiles dormassant sur des îlots, des singes sournois à la fourche des ramures. Et la voix sénile de grenouilles gémissant parmi les nymphéas scandait la rumeur enchantée des flots. Suzanne de Jong ne s'étonnait plus d'être dans cette île, presque aux antipodes de sa terre natale, mais où dominait sa race. La mort des siens, le dur voyage, les étoiles nouvelles, sa jeunesse aussi, l'acclimataient à l'aventure. Elle contemplait tantôt son frère Lodewijk, riche d'insouciance. Tantôt ce géant qui commandait la caravane et chez qui elle allait habiter. Puis elle méditait confusément sur les détours du sort. Elle était une innocente créature, une âme passive, que les circonstances emportaient comme la rivière emporte les brindilles d'herbe. Elle se demandait à peine comment elle supporterait sa vie nouvelle. Le chef géant, Karel van den Bosch, descendait sans tard des grands dolichocéphales nordiques, aux yeux clairs, au crâne en carène et aux poils blonds. Il comportait, avec une bonhomie grave, l'opiniâtreté dans les projets et l'énergie dans l'exécution. Sa barbe fleurie rappelait la barbe du bon empereur Charlemagne. Aux heures du péril, il pouvait aussi rappeler ce roi de la mer dont Jean Revel écrit « Athlète de la vie, gladiateur de l'océan ». Ce magnifique aventurier, ce familier de la vague, brave les éléments et dit de la tempête « Elle me porte où je voulais aller ». Sa voix était géante comme sa stature et ses yeux soldanels avaient un regard merveilleusement jeune. Il avait dit à Suzanne et à Lodewijk « Ma maison sera votre maison ». Elle le croyait aveuglément. Il y avait là son fils Hendrik, qui n'avait plus la peau de lin blanchi dans les brumes de la contrée creuse. Il y avait Lodewijk, sur le visage de qui s'inscrivait la hardiesse tranquille des gueux de mer. Les autres, les vaincus, appartenaient aux races ambiguës des Hachinois, un Mongol hindou, un errant venu de la Chine. Au milieu de la nuit, deux hommes dont l'approche avait été signalée par les chiens surgirent de la sylve. Les guetteurs reconnurent les explorateurs de la solitude envoyés par van den Bosch. Le géant regardait venir les deux hommes, un indigène et un métis. Le premier dit « Maître, les écorcheurs sont dans le défilé de Vlucht. J'en ai compté plus de 50. » Le géant secoua la tête. « Oserait-il nous attaquer ?»« Oh, chaque jour, maître, ils s'enhardissent. » Le métis rapporta. Des hommes sangliers ont pénétré dans la forêt rouge, à deux lieues d'ici. « Ce n'est pas possible !» grommela van den Bosch. « Lors de la grande invasion, Ils dépassèrent à peine Wittenberg. Tu dois avoir mal vu. » Une indignation dédaigneuse s'alluma dans les prunelles du métis. Les yeux de Matzal valent les yeux de l'aigle. Ils ne confondent ni le tapir et le buffle, ni les lucioles et les étoiles. Les têtes des hommes sangliers ne sont-elles pas couvertes d'un poil fauve et gris? N'ont-ils pas les oreilles pointues, des doigts plus courts que les doigts des autres hommes et des jambes d'orang-outan? On ne peut pas douter de toi, dit le planteur. Étaient-ils nombreux? J'en ai compté plus de 10. Mais nos pères nous ont appris que lorsqu'ils quittent le marécage, ils marchent par bandes. C'est exact, acquiesça Vandenbosch. Ils ont le flair des loups, ajouta l'éclaireur. Qui approcherait trop d'eux ne reverrait pas le matin. Matzal est toujours habile et toujours vigilant. Étonné de ces périls qui, imprévisibles, s'étaient formés autour de lui, le géant demeura pensif. Il n'y avait que deux routes, le défilé de Vlucht ou la forêt rouge. 30 hommes pouvaient combattre, dont 20 seulement étaient sûrs. Le seul fusil de Vandenbosch ferait le travail de 10 autres fusils. Parce qu'il était redouté dans la forêt et dans la montagne, que les indigènes ne le haïssaient point, l'attaque pouvait être évitée dans le Vlucht. Seulement, on ne le saurait qu'après le passage. Tout était mystérieux avec les hommes sangliers. On ignorait fatalement s'ils allaient combattre ou disparaître. Et cette nuit même, peut-être attaquerait-il le campement. Pour parer à un assaut, il aurait fallu abattre des arbres. Les chariots formaient une barrière trop courte. Seule la rivière, tumultueuse comme un torrent, était efficace. Le planteur se tourna, plein de trouble, vers Suzanne qui dormait sur une natte. Un peu plus loin, Lodewijk. L'idée que sous sa garde, les hôtes couraient un danger redoutable fut pénible à cet homme en qui s'harmonisait l'âme primitive et l'âme policée. Comme il méditait, Suzanne ouvrit les yeux. Elle vit le géant qui la regardait, les feux qui éclairaient étrangement les végétaux. Le ciel profond, où vers le pôle, tournaient les étoiles de la croix du sud. « Faut-il se lever ? » demanda-t-elle. « Peut-être, » fit le grand batave. Et parce qu'il n'aimait pas les détours, nous irons probablement camper dans les roches infernales. Nous sommes donc menacés? Pas encore, Nièce. Nous pouvons l'être. Les roches infernales forment un campement dur. C'est pourquoi je les avais évitées. Il faudrait plus de 100 hommes pour renforcer le passage. À demi dressée, elle observait, à l'autre rive, l'orée de la forêt rouge. Elle écoutait le gémissement de la rivière, la lamentation des batraciens. Et, au loin, une plainte obscure, peut-être la plainte d'une bête dévorée vivante. « Sont-ce les hommes sangliers ? » demanda-t-elle. Vandenbosch ne savait ni mentir ni biaiser. On signale des hommes sangliers dans la forêt rouge, et, près de la passe de Vlucht, la bande du Métis. Ceux-là ne nous attaqueront pas, sans doute, et ils ne le pourraient pas avant plusieurs heures, mais il faut prévoir. J'établirai donc le campement dans les roches infernales. » Le murmure des paroles avait éveillé Lodewijk. Des hommes se soulevaient à demi dans l'enceinte flamboyante. « Faut-il se lever ? » demanda le jeune homme. « Cela vaudra mieux. Je vais donner les ordres. » Une demi-heure plus tard, hommes et bêtes étaient prêts à partir. Les roches infernales figuraient une forteresse redoutable. 4 masses de granit séparées par 3 défilés étroits et dont les plus vastes surplombaient la rivière. Un rapide rendait tout débarquement impraticable à 2000 en amont et en aval. La plus haute des roches s'élevait à 200 toises. Toutes dressaient des flancs roides et les défilés permettaient à la garnison de fusiller les agresseurs sans se découvrir. Pour s'emparer du réduit, il faudrait un assaut aussi meurtrier que seule une troupe nombreuse pouvait encourir le risque. Le lieu était rude, le sol hérissé de pierres aiguës ou creusé de ravines. Quand les chariots furent dételés, ils servirent à rendre les défilés plus impénétrables. On abrita les chevaux dans une large excavation qui formait un embryon de caverne, et les hommes se répartirent sur 3 surfaces. Il faudrait 200 hommes pour donner un assaut efficace, remarqua le géant. Et ça leur coûterait cher. Ceux du défilé de Vlucht ne doivent pas compter 150 hommes. Et personne n'a jamais vu 100 hommes sanglier ensemble. Il haussa ses épaules énormes. Encore 4 heures de nuit. Dormons. Les feux allumés, les sentinelles à l'affût, la caravane prit du repos. Mais ni Suzanne ni Lodewick ne dormirent. Vers l'aube, des batteurs d'estrade reparurent. Les nouvelles étaient mauvaises. Les écorcheurs avaient quitté le défilé du Vlucht, s'avançaient dans la forêt bleue. « Les voilà devenus bien hardis, » grogna le planteur. « Qu'est-ce qu'ils espèrent ?»« Rien de bon pour nous, » fit Hendrick, qui s'était levé. « Mais tout dépend de leur chef. » « Exact, » acquiesça le père. « La race, au fond, est brave. Si nous voulons passer, il faudra en tuer. Tuer beaucoup, Hendrick. »« Beaucoup, » soupira le fils. Accoudé devant un des feux, où il jetait distraitement des branches qui, encore vertes, grésillaient avant de s'allumer, Vandenbosch garda le silence. Les étoiles pâlirent. L'aube équatoriale, en un moment, devint l'aurore. Et l'aurore ne fut qu'un éclair. Le père de la vie, immense forge rouge, se répercuta dans le rapide, et les bêtes peureuses, une fois de plus, s'abandonnèrent à la joie ambiguë de la lumière. Les roches infernales étaient suivies d'une terre âpre où quelques arbres seulement prenaient pied. Encore la plupart demeuraient-ils chétifs, ou dépérissaient-ils, mal nourris, privés d'eau. La sylve ne recommençait qu'à 500 ou 600 mètres, en sorte qu'il était impossible d'approcher du fort sans passer sous le feu de la garnison. « Oseront-ils ? » se redemandait le grand batave. Il en doutait, mais toutes ses prévisions n'avaient-elles pas été démenties ? Si d'ailleurs il n'attaquait point, un siège pouvait devenir plus redoutable que le combat. Il y avait enfin l'énigme des hommes sangliers. Toute la caravane savait maintenant ce qui la menaçait, et Vandenbosch, venant près de sa nièce, dit avec mélancolie « Pardonnez-moi de vous avoir exposé au danger. »« C'est à nous qu'il faudrait pardonner, » s'exclama Suzanne. « Personne ne pouvait prévoir ce qui arrive, » intervint Hendrick. « C'est vrai, » dit le père, « nous n'avons jamais rien vu de semblable. » Le métis Matzal apparut par un des défilés. Immobile, les yeux fixés sur le planteur, il annonça. « Maître, les écorcheurs approchent. Dans une heure, ils peuvent attaquer. »« Nous sommes prêts, » dit le géant. S'étant assuré que toutes les sentinelles étaient à leur poste, il cria d'une voix tonnante. « Que ceux qui ont peur de combattre se fassent connaître, mais qu'ils sachent bien qu'aucune trahison ne les ferait échapper au péril. » Les écorcheurs ne tiendront aucune promesse, ne feront grâce à personne. Il faut tenir 2 jours. Nous allons lâcher les pigeons. Dans 2 heures, on saura que nous sommes en danger. Les planteurs et le poste militaire viendront à notre secours. Les hommes le regardaient avidement. De face, la rivière est infranchissable, en sorte qu'on ne peut pénétrer dans le camp que par les 3 défilés. Entre la forêt et les roches, point d'abri. Il faut passer sous notre feu. Rien ne prouve qu'on osera nous attaquer. Les hommes de race autochtone écoutaient sans trouble la voix immense. Aucun n'était positivement lâche. Plusieurs avaient une bravoure opiniâtre et rusée, analogue à celle des Nippons. On pouvait aussi faire quelque confiance aux métis de blancs et d'indigènes. Mais les hindous étaient passifs et le chinois équivoque. Lorsque les hommes eurent pris leur premier repas, le jour fut dans sa force. Le soleil commençait à rôtir les roches nues. Elles apparaissaient, mélancoliques jusqu'à en être funèbres, ossements de la vieille terre qui transperçait l'épiderme de lichen. Le camp formait un demi-cirque hérissé, où les cryptogames et les pariétaires accomplissaient leur mission éternelle. Quelques arbres, ayant vrillé leurs racines dans les fissures, poussaient misérablement. L'un d'eux, bossu, verrugueux, mangé par la vermine animale et végétale, persistait depuis 1 siècle. Il se tenait à la cime d'une des roches, dardant des branches alternativement chauves et feuillues, victimes défaillantes du soleil et des météores. Un homme, ici et là, scrutait alternativement la forêt bleue, la forêt rouge et la rivière. Opiniâtre et folle, la vie pullulait dans les eaux, pullulait dans les bois. Les voix baroques des psittacides perçaient le silence comme des myriades de vrilles, et les insectes menaient leurs existences victorieuses, dominateurs des fauves et tenant en échec la race féroce des hommes. Celui qui se tenait là-haut, le métis Matzal, aux yeux de Jipaète, descendit vers le milieu du jour et vint dire « Les écorcheurs sont venus. » « Avec l'aide de Dieu, nous vaincrons, » dit Vandenbosch. Le temps coula, le temps de l'attente et du péril. L'ennemi demeurait aussi invisible que s'il eût été enseveli dans la nuit profonde. Mais chaque homme du camp savait que, dans les feuillages, dans les buissons et parmi les hautes fougères, des yeux homicides guettaient. Quand le soleil eut quitté le zénith, on entendit une voix retentissante qui éteignait tous les bruits de la forêt. Ce n'était pas la voix d'un homme, ni d'un buffle, ni d'aucune bête, encore que cela ressemblât à un immense mugissement ou à une plainte géante. Suzanne et Lodewick s'étaient dressés. « La corne des loups de la montagne, » dit le chef batave. « Je comprends l'audace des écorcheurs. » Et voyant le visage interrogateur de Suzanne, « Ce sont des malais primitifs, aussi sauvages que les vrais loups, et très audacieux. Les autres n'auraient pas osé s'en prendre au vieux Vandenbosch. Ceux-là... » Il fit un signe évasif, mécontent d'avoir une fois de plus cédé à son humeur sincère. « S'ils annoncent leur présence, dit-il, c'est qu'on veut palabrer. » La trompe venait de se taire. Une loque blanche parut au-dessus d'un massif. « Voici la preuve, dit le planteur. Ces hyènes pratiquent nos coutumes. » Une voix stridente retentissait à l'orée de la forêt. Celle du Néerlandais répondit, haute comme une cloche. « L'envoyé des écorcheurs peut venir. » Vandenbosch répond de sa vie et de sa liberté. Cette parole devait inspirer une confiance plénière, car, sur la terre découverte, un homme se montra au visage d'ocre, aux pommettes aiguës, aux yeux longs et cruels. De haute taille pour un homme de sa race, quand il parut devant le colosse, il n'eut plus que la stature d'un enfant. Les regards se croisèrent. Le regard bleu, la loyauté extraordinaire du batave, le regard d'insecte du malais. « Je ne t'ai jamais vu, » dit le planteur. « Je suis, » répondit l'homme, non sans orgueil, « Tautet, l'aigle gris, et je commande après le chef. » « Et que nous voulez-vous ? » demanda rudement Vandenbosch. « Nous sommes des gens paisibles, mais nous savons nous défendre, et nous ne craignons pas les bandits. »« Nous ne sommes pas des bandits, » riposta l'autre, en dressant le torse. « Nous sommes des hommes libres. »« Qui assassinent et volent d'autres hommes libres ?»« Des hommes qui ont pris nos vallées, nos forêts et nos montagnes, et qui se disent nos maîtres, n'ont-ils pas tué nos aïeux, et hier nos frères révoltés ? Nous faisons la guerre. »« Bien, » dit le géant, impassible. Vous refusez de nous livrer le passage ? Nous avons besoin d'armes et d'argent pour acheter d'autres armes. Et pour nous combattre, dit le batave avec un sourire de mépris. Alors, si je vous promettais des armes et de l'argent, nous aurions le passage libre ? Mes frères veulent que vous livriez vos armes et que vous payiez 1000 gulden pour votre rançon. Oh, oh, Knap, vos frères sont des imbéciles. Il devrait savoir que si je promettais des armes et de l'argent, les armes et l'argent seraient livrés à la date et à l'heure dite. Les loups de la montagne ne vous connaissent pas. Le colosse perçut la vanité de la discussion. Et moi, je ne connais pas les loups de la montagne. Allez dire à vos frères que nous ne livrerons pas nos armes. Dans le puissant organisme envahi par la colère, le sang montait à grandes ondes. Votre bêtise vous coûtera cher, clama le batave. Une pâleur cendreuse envahit la face du parlementaire. Sans doute redouta-t-il quelque action violente, car il porta la main à son crisse. Le géant haussa les épaules. Déjà l'envoyé avait reconquis son flegme. « Nous attendrons encore 1 heure, » dit-il. « Nous ne demandons ni 1 heure ni 1 minute. » Le messager se retira à pas lents et le planteur se tourna vers Lodewick pour dire « Nous sommes en guerre, neveu. » Lodewick, épiant Suzanne, sentit son cœur s'apesantir. La rude lumière devint aussi mystérieuse que les ténèbres. Aucune nuit n'eût pu rendre l'ennemi plus invisible, mais les hommes du camp savaient, et les voyageurs devinaient, que le silence et l'immobilité cachaient des pièges redoutables. L'impassible Van den Bosch, avec une lenteur vigilante, allait de défilé en défilé, et parfois escaladait un roc. À moins de creuser un chemin sous la terre, ils ne peuvent pas nous surprendre tant que durera la lumière, dit-il à Lodewick après une de ses inspections. Sans les loups, il n'y aurait rien à craindre avant le soir. Mais les loups sont plus impatients et plus agressifs que leurs alliés. Le hurlement d'un siamang lui fit lever la tête. « C'est Matzal, » dit le chef. « Ah !» Il s'avança jusqu'au milieu d'un défilé. Un buisson épais se formait rapidement à l'orée de la sylve, entre deux tecs. Matzal sembla jaillir du roc. « Maître, ils vont attaquer. » « C'est le buisson qui te fait croire cela ?»« Oui, maître, c'est une ruse de la montagne. Le buisson va se mettre en marche. »« Porté par les hommes ?»« Porté par un char. Les hommes seront invisibles et abrités. »« Alors ils comptent nous donner l'assaut ?»« Ils essaieront. » Conscient du trouble que le stratagème apporterait parmi ces hommes, le chef inclina le front. Le buisson, déployé sur une largeur de 10 à 12 pieds, s'était mis en marche lentement. À mesure qu'il approchait, des branches épaisses devinrent visibles parmi les feuilles. Une crainte superstitieuse immobilisait les défenseurs du campement. « Surtout ne gaspillez pas les munitions !» clama la voix tonnante du chef. « Tirez au commandement, et chacun une seule fois. Attention ! 1, 2, 3, feu !» 20 détonations se confondirent. Une clameur de défi s'éleva à l'arrière du buisson et dans la forêt. « Il y a des blessés et sans doute des morts, » affirma Van den Bosch. « Alerte, enfant !» Une seconde salve et le buisson chancela, cependant qu'une nouvelle clameur défiait les assiégés. « C'est mal vu, » grommela Van den Bosch, qui discernait une décroissance dans les cris venus du buisson, tandis que ceux de la forêt étaient toujours aussi nourris. Il attendit que la machine eût avancé d'une 20aine de toises pour ordonner la 3e salve. Sans doute fut-elle plus meurtrière que les autres, car le buisson s'immobilisa. « Ils en tiennent, garçon. Tenez-vous prêt. » Le buisson s'était remis en marche. Lorsqu'il fut à moins de 100 mètres des rocs, le planteur commanda le feu pour la 4e fois. Malgré le stoïcisme malais, quelques plaintes se mêlèrent aux vociférations, tandis que la machine chancelait. « Ils ont de la peine à se réorganiser, » remarqua Lodewick. « Pourtant, ils doivent être nombreux, sinon, soyez sûr qu'ils n'auraient pas risqué l'attaque. » Le chef attendit que le buisson ne fût qu'à 30aine de mètres des rocs, puis « Une dernière salve, et tous à l'abri !» Le chariot bascula. Des hurlements féroces s'élevèrent. Une 40aine d'individus bondirent, le crissaient au poing. C'étaient tous des loups venus des régions hautes, plus primitifs, plus farouches et plus impétueux que les malais des vallées inférieures. Ils fonçaient droit sur le défilé central, le plus large et le plus proche, concevant qu'il fallait, par un excès de vitesse, sidérer les assiégeants et les égorger comme on égorgerait dans les ravins et les cavernes. Les hommes du camp n'ignoraient pas que les loups étaient formidables dans le corps à corps. Exercés à l'escrime du Christ depuis l'enfance, ils connaissaient les coups foudroyants qui percent le cœur ou tranchent les entrailles. La fusillade ne cessait plus. Le géant, tapi entre deux dents rocheuses, abattait un homme par seconde. Mais au bout de 8 à 10 secondes, les agresseurs étaient dans le défilé. Sans les branchages et les grosses pierres accumulées, le sort de l'expédition eût été dès lors révolu. Inférieurs dans le corps à corps, les assiégés eussent été saignés comme du bétail. Or le chef géant, Hendrick, 3 ou 4 hommes d'élite. Mais tandis que les loups s'épuisaient à franchir les obstacles, une fusillade incessante les décimait. À courte distance, plus du tiers des balles portaient. Pourtant 20 loups franchirent les obstacles, et 7 Hatchinois croulèrent, saignés par les crisses, tandis que Lodewick chargeait à la baïonnette, que Hendrick, deux revolvers au poing, ne cessait d'abattre des antagonistes, et que Vandenbosch, cerné par quatre loups, abattait une hache énorme qui, à chaque coup, fendait une tête ou arrachait une épaule. Puis cette hache se mit à tournoyer, et le planteur, emporté par une frénésie de géant, plus violente d'être venu lentement, poussait son cri de guerre égal à la clameur de 10 Siamang. Trois loups cédèrent à la panique, deux autres furent abattus par la hache. Lodewick en troua un troisième de sa baïonnette. Hendrick déchargeait son arme à bout portant. Alors, sidérés, les derniers agresseurs cessèrent de combattre. Il y en avait cinq. Le chef les reçut à merci. Les péripéties avaient été si rapides que Suzanne n'eut pas le temps de prendre une résolution. Elle venait de saisir l'arme d'un Hachinois blessé lorsque les derniers loups se rendirent. « Nous sommes vainqueurs et c'est triste, » grommela Vandenbosch. « Les hommes ne devraient pas mourir ainsi, mais ce n'est pas nous qui l'avons voulu. » Cinq hommes de la caravane étaient morts, 7 blessés. Sur les 12 indigènes saufs, 7 comportaient quelque bravoure, accrue par la victoire. Les 5 autres étaient d'incontestables couards. On ne tenta guère d'évaluer les pertes de l'ennemi. Vraisemblablement, 30 de loups avaient succombé pendant l'avance du buisson. 20 étaient tombés devant les palissades, et dans le camp même, il y avait 7 morts, 6 blessés, 5 prisonniers. Ils ne renouvelleront pas l'attaque, le châtiment a été trop rude, et ils ignorent nos pertes, dit le chef, quand on eut fait le dénombrement. En tout cas, avec les 7 hommes sur lesquels on peut faire fond, avec vous, neveu, dit-il, en se tournant vers Lodewick, qui avait bien combattu, et mon fils, nous sommes encore 10 combattants. J'espère que nous serions 11, fit doucement Suzanne. J'ai été surprise, mais je crois que j'allais combattre. Très bien, très bien, murmura le planteur avec attendrissement. C'est une antique race guerrière que la nôtre. Nos aïeux osèrent combattre les grands peuples d'Europe. Nos marins ont su conquérir leur part du monde. Des hurlements s'élevaient dans la forêt, longs, plaintifs et sinistres. Clameur de défaite, affirma Vandenbosch, l'attaque en devient plus improbable. Les loups seuls la risqueraient, et ils ne sont plus en nombre. Soyez sûr que les hommes des vallées n'ont pas approuvé cette folie. Le silence s'était refait, à peine troublé par les cris lointains des Psittacides. La présence des morts et des blessés imprégnait les hommes d'une mélancolie noire. Les heures coulèrent. Un crépuscule fugitif précéda la nuit. À l'autre rive, une troupe noire de Siamang, pareille à des nègres nains, surgit et disparut, avec des cris qui étaient peut-être des cris de joie, mais qui semblaient le gémissement des brutes en proie à l'immense tristesse de vivre. Suzanne rêvait auprès de la rivière, avec amertume, pitié et dégoût. La nuit s'épaississait, nuit fugitive de la planète, sous la nuit éternelle des espaces interstellaires, nuit chaude encore de soleil, enveloppée d'une nuit si froide qu'elle eut, en peu d'heures, réduit les vivants en minéraux. Les Siamang se turent. Le silence approfondit les ténèbres. On commença d'entendre les bruits légers et les clameurs lointaines qui dénoncent le massacre. Les feux du campement transpercèrent de raies rouges le mystère plein des pièges de l'homme et de la bête. Sous les ramures, dans les fourrés, sentieux, diligents et féroces guettaient les rocs. La jeune fille de Hollande pressentait la loi sans recours qui, inlassablement, répand la souffrance et la mort. Après un repas mélancolique et bref, Vandenbosch, ayant donné des ordres pour la nuit, ajouta « Les pigeons doivent être arrivés. Nous aurons des secours après-demain. » Lodewick voulut être de la première veillée. Suzanne, seule, dans un repli de la roche, à quelques toises de la rivière, s'endormit avec peine. Une rumeur l'éveilla. Des flammes couraient entre la forêt et les rocs. Les défenseurs du campement occupaient les 3 défilés. des coups de feu retentirent, et une chose flottante, s'abattant sur la jeune fille, lui enveloppa la tête. Elle tenta de crier, mais solidement étreinte et soulevée de terre, elle sentit qu'on l'emportait. La rivière gronda, toute proche. Suzanne, à des soubresauts, devina qu'on la déposait dans une embarcation que les flots entraînèrent. Un choc brusque, un arrêt. De nouveau emportée, elle se débattait, pleine d'une épouvante ténébreuse, sans que son imagination lui offrît aucune version précise de l'aventure. Sur le sol de la Sylve, des pas résonnaient mollement. L'immense pouvoir d'adaptation des humains commençait à ramener la cohérence et presque le sang-froid dans le cerveau de la jeune fille. Elle supposa qu'elle était aux mains des malandrins qui assiégeaient le campement. L'idée d'un danger obscur, qui ne correspondait à aucune image nette, la terrorisait. Le De Wick et ses compagnons avaient-ils été surpris comme elle? Les avait-on mis à mort? L'angoisse devint si forte qu'elle ne put la supporter. Elle s'évanouit. Un nouvel arrêt. On la déposait sur le sol. Le pelage qui la recouvrait s'écarta. Ranimée, elle se vit au milieu d'une clairière où, dans les lueurs de trois feux rouges, s'agitaient des hommes hideux. Entre des paupières étroites, assombries par d'énormes sourcils fauves, filtraient des regards de sauriens. Des soies épaisses se hérissaient sur les crânes à cinq faces. Leurs dents étaient couleur de jade, leurs oreilles pointues. L'un d'eux, le torse pareil au torse des ours, s'avança vers la jeune fille et proféra des sons plus semblables au mugissement d'un buffle qu'à la parole d'un homme. Le visage mobile, mais d'une mobilité uniforme, rappelait les plissements de certaines faces de chien. Ses gestes ne décelaient aucune menace, et Suzanne se crut captive d'une étrange race animale, intermédiaire entre les grands singes et les sangliers. L'homme continuait à proférer des sons et à gesticuler. La jeune batave discernait une vague mélopée, des articulations confuses noyées dans les mugissements. Si un taureau parlait, sa parole ressemblerait au verbe de cet humain monstrueux. Il se tut enfin. Ce qu'il avait pu dire demeurait aussi mystérieux que les impressions d'un batracien ou d'un reptile. Aucun mouvement de cette physionomie fantasmagorique ne ressemblait au mouvement des physionomies humaines. Il semblait pourtant que ni lui, ni aucun de ses compagnons ou de ses compagnes, car il y avait peut-être des femmes dans la horde, n'eussent une attitude menaçante. Que voulait-il? Pourquoi l'avoir enlevé au lieu de l'avoir mise à mort? Longtemps dans le crâne hypnotisé de Suzanne, le monde extérieur n'apparut que par éclair. Puis sa vision se précisant, elle aperçut auprès d'un des feux quatre hommes ligotés, des indigènes, peut-être même de ceux qui assiégeaient le camp de Vandenbosch. Ils ne bougeaient point. Ils attendaient, avec la patience et le stoïcisme des hommes de leur race. À la longue, le nombre des veilleurs diminua. L'un après l'autre, ils se couchèrent à même le sol, auprès du feu. Bientôt, il n'y eut plus que quatre hommes debout, outre celui que Suzanne croyait être le chef. Ils s'étaient mis à rassembler des feuillages et de longues touffes d'un lichen couleur d'argent qui ressemblait par la forme au lichen barbu. Quand ils eurent ainsi dressé une espèce de couche, le chef revint auprès de Suzanne. Ce lit sauvage lui était destiné. Donc ces êtres avaient quelques notions des habitudes d'une autre humanité que la leur. Malgré sa terreur, elle fut presque reconnaissante de leur acte, et parce qu'elle se sentait aussi impuissante qu'une biche sous la griffe d'un léopard, elle s'assit sur la couche verte. Ce furent des minutes sinistres. Suzanne eut l'âme de ceux qui attendent le bourreau. Mais rien n'arriva. Un à un, les derniers veilleurs se couchèrent. Longtemps, elle demeura là, tantôt dans une stupeur hypnotique, tantôt saisie d'une horreur qui lui broyait les entrailles. Les constellations passaient lentement parmi les ramures. La croix du sud marqua le temps éternel sur le pôle. Le ronflement des hommes et du feu se confondait avec les bruits de la solitude, et Suzanne se sentait aussi faible, aussi abandonnée, et plus misérable que les bêtes chétives devant les grands carnivores, jusqu'à ce qu'elle s'ensevelît dans la mort quotidienne, le salutaire répit que les forces obscures ont accordé aux créatures misérables. À l'aube, lorsqu'elle s'éveilla, le feu rougeoyait. les hommes sangliers dormaient toujours. Elle s'aperçut que durant son sommeil, on l'avait couverte d'une peau de bête, ce qui la surprit profondément. À mesure que la conscience pénétrait les régions engourdies du moi, elle s'étonnait davantage. Ces hommes ne lui avaient fait aucun mal. Non seulement ils la laissaient dormir paisiblement, mais encore ils la mettaient à l'abri du froid. Elle ne se rassura point. Elle continua de craindre la mort et le supplice, mais sur un plan moins terrifique. Plongée dans un rêve sombre où passaient les aurores et les crépuscules du souvenir, elle percevait obscurément le mystère formidable du monde au sein des énergies qui créent et qui tuent, qui distillent la joie et répandent de la souffrance. Elle avait vécu heureuse dans ce monde terrible. Sa prévoyance n'emplissait qu'une faible étendue. Elle ne craignait point l'avenir. Elle acceptait sans angoisse les fragiles sécurités du présent. La mort lui semblait aussi lointaine que les nébuleuses perdues derrière les étoiles. Sa capacité de tristesse était dominée par les fables éblouissantes, par la faculté de se réjouir et par une imagination où les flammes joyeuses chassaient vite les lémures qui envahissent perpétuellement les âmes noires. Dans la forêt carnivore, les souvenirs renaissaient l'un après l'autre, se posaient un moment en pleine lumière et retournaient dans les ténèbres. Elle songeait surtout à Lodewick. Encore qu'il fût son aîné, elle ressentait pour lui, parce qu'il avait une âme instable et imprévoyante, des sentiments maternels. L'idée qu'elle ne le reverrait pas lui fut presque aussi insupportable que l'idée même de la mort. Elle se rendormit et se réveilla plusieurs fois, jusqu'à ce que la lumière du jour imprégnât la forêt. Les hommes sangliers faisaient rôtir les quartiers d'un cerf. Quand la cuisson fut à point, le chef détacha les viandes et les découpa grossièrement avec un couteau de néphrite, pierre presque aussi dure que l'acier. Puis, les parts étendues sur la peau du cerf, chaque homme vint prendre la sienne et se mit à la dévorer. Ils mangeaient comme des loups, enfonçant parfois le visage dans la chair, tout barbouillé de sang et de graisse. Le chef avait réservé deux parts. Il porta la plus petite à Suzanne, avec un grognement sourd et des signes énigmatiques. Puis il prit part à la dévoration, avec la même rudesse que les autres. Suzanne ne toucha pas d'abord au morceau de viande chaude que le chef avait déposé près d'elle. Elle s'étonna de n'être pas dégoûtée. L'inflexible nature la contraignait à la faim et faisait de cette rude nourriture un plat appétissant. Elle ne voulut pas y toucher et elle crut qu'elle n'y toucherait point. Puis elle songea qu'il valait mieux s'assurer le plus d'énergie possible. Les chances précaires d'un sauvetage seraient plus précaires encore si elle se débilitait. Et cet argument, plus encore que la tentation, la décida. Les hommes sangliers éteignaient les feux avec beaucoup de soin, soucieux d'éviter un incendie de forêt. Puis la troupe se mit en marche. Suzanne était libre de ses mouvements. Aucun lien n'entravait ses membres. Au départ, elle avait eu une velléité de résistance, mais concevant qu'elle n'y gagnerait que d'être ligotée, elle se décida à suivre ces immondes ravisseurs. On avançait sans hâte. À chaque instant, des hommes se détachaient de la horde et s'enfonçaient dans les futaies. Quelques-uns revinrent avec du menu gibier, et même trois chasseurs ramenèrent le cadavre d'un cerf. Ils étaient bien armés, d'armes primitives, des épieux, dont la pointe avait été durcie au feu, des massues de bois, des haches de pierre verte, des arcs, des manières de javelot, des harpons. On eût pu se croire revenu à des temps plus lointains encore que ceux évoqués par les Indiens des savanes américaines. Parfois la conscience de Suzanne semblait dissoute dans la forêt. Tout devenait vague, lointain, animal. Puis un sursaut d'épouvante, d'étonnement et de révolte réveillait la captive. Était-ce elle, la fille des plaines creuses et des polders plaintifs où les carillons élèvent des champs d'insectes dans la plus paisible des atmosphères, qui suivait ces hommes aux mufles de sangliers? Éperdue d'angoisse, elle songeait à se tuer. Puis l'amour de vivre montant dans sa chair jeune et faite pour la joie, elle se mettait à espérer, en clair, une aventure aussi étonnante que l'était cette aventure sombre. Cependant l'on avançait. La chair du cerf fut achevée au milieu du jour, et Suzanne prit part au repas avec un appétit dont elle était honteuse. Ce repas fut suivi d'une sieste, pendant laquelle personne ne troubla la relative solitude de la jeune fille. elle eût pu croire qu'on l'oubliait. Mais en se tournant, elle finissait toujours par découvrir des yeux qui la guettaient dans les pénombres. Et ne l'eût-on pas guettée, ces hommes avaient des sens de loup qui eussent tout de suite décelé une tentative de fuite. Du moins était-elle libre de ses mouvements, tandis que les prisonniers continuaient à être entravés. L'instinct des hommes sangliers percevait que ceux-là étaient doués à la fois de ruse animale et humaine. Les ombres avaient grandi lorsque la horde se remit en marche. On marcha plusieurs jours, puis on atteignit une terre formidable, terre de marécages, de rocs noirs et rouges, de plantes sinistres, entrecoupées d'îles et de presqu'îles, où surgissaient d'énormes reptiles, où foisonnaient les bêtes primitives. La horde s'arrêta dans une enceinte mégalithique, où des hommes, morts depuis des millénaires, avaient accumulé des formations étranges, blocs dressés, tables funéraires, allées de roches, ébauches de sanctuaires sans toit, qui rappelaient confusément encore ou les colonnes de Karnak. Des femmes, des enfants, des guerriers demeurés au campement, des vieillards dont les plus vieux semblaient taillés dans les pierres de l'enceinte, vinrent à la rencontre des hommes sangliers, avec des clameurs rauques et des hurlements de bêtes, cris de joie élémentaires que n'accompagnait aucune caresse. Puis le silence. Un vieillard se leva, qui parlait sur un ton de mélopée. Le chef de la forêt discourut ensuite d'une voix lourde et orgueilleuse. De nouvelles clameurs rebondirent sur les rocs et sur les eaux. Un grand feu s'alluma au centre de l'enceinte, et l'on amena les prisonniers. 6 hommes les escortaient, qui tenaient à la main des couteaux de jade. Le vieillard proféra des sons rauques et rythmiques, en levant les bras, tandis qu'on renversait les captifs sur la terre. Les couteaux de jade ouvrirent les chairs des ventres, près des côtes gauches, parmi les acclamations de la horde. Des mains rouges reparurent, qui tenaient les cœurs sanglants. Le vieillard reprit sa mélopée d'une voix plus haute. L'épouvante glaçait les vertèbres de Suzanne. Ses yeux dilatés essayaient de se détourner des cadavres, mais une force implacable la condamnait à regarder. C'est ainsi qu'elle allait mourir. Sa jeunesse palpitait pitoyablement. Ses jambes ne la portaient plus. Son cœur était en elle comme un bourreau. De nouveaux feux s'allumèrent, où l'on fit rôtir les chairs des victimes. La foule attendait avec une convoitise ardente. Chaque fois qu'un homme s'approchait d'elle, Suzanne croyait que la minute inexorable était venue. Mais bientôt elle demeura seule, sans que personne parût s'occuper de sa présence. Peu à peu, saturée de terreur, elle tomba dans une transe où elle continuait à voir, sans comprendre, les flammes, le repas immonde et les pénombres de la sylve sillonnées de l'art cuivreuse. Elle n'entendit pas l'approche d'un homme, et quand le chef de la forêt fut devant elle, c'est à peine si elle eut un tressaillement. Un moment, l'énorme visage demeura penché au-dessus d'elle. Puis une main velue la saisit au bras et la souleva. La conscience lui revint, mais brumeuse, indéfinie, et songeant que son heure était venue, elle ne fit aucune résistance. Il ne l'amena pas vers la horde. Il l'entraîna parmi les pierres ancestrales jusqu'à ce qu'ils eussent pénétré dans une enceinte formée par 4 blocs de granit. Comme on avait fait pour les captifs, il la renversa brusquement sur la terre. Une terreur immense dissipa les brumes. Suzanne connut qu'elle allait mourir et poussa un grand cri. Une douleur subite la transperça, tout de suite suivie d'une détente, puis des sensations étranges, inconcevables, qui s'accélèrent, et à son épouvante se mêla une ivresse. La nuit. Des branchages, où filtraient des lambeaux de constellations, enveloppaient Suzanne. La mort n'était pas venue. Pour l'imagination ignorante, quelque chose s'était passé où s'amalgamait la terreur, la répugnance, l'étonnement et la plus étrange exaltation. Elle revoyait distinctement la brute hideuse, respirait son odeur fauve, se sentait saisie par des mains impitoyables, et tandis qu'elle n'attendait que la douleur et la mort, cette chose inouïe se produisait. La fille batave, élevée par des calvinistes bornés et scrupuleux, n'avait jamais soupçonné l'acte surprenant qui perpétue les hommes. Sa révélation verbale l'eut remplie de stupeur, elle lui eut paru dégoûtante en même temps que grotesque, comme elle l'est en somme pour des êtres qui, sortis de l'immondice primitive, créèrent la poésie, les arts, la pureté et la propreté. la lassitude finit par entraîner Suzanne au sommeil. De jour en jour, la scène fantasmagorique recommençait. Le monstrueux sauvage, grognant et proférant des paroles inconnues, surgissait soudain et terrassait Suzanne. Chaque fois la pauvre fille subissait l'exaltation incompréhensible mêlée à l'acte brutal. Elle ne cherchait plus à comprendre, elle vivait dans une sorte d'hébétude d'où, par la répétition des mêmes choses, origine de toutes les sécurités animales et humaines, la peur était maintenant bannie. Aux heures où la conscience se levait dans sa force, elle connaissait un dégoût profond, une nostalgie homicide. Alors les songes montaient de ce fond des âges qui, si l'on ne nous avait pas enseigné sa proximité, apparaîtrait aussi lointain que les âges perdus dans les millénaires. Elle portait en elle une éternité qui, sans cesse, devenait l'heure présente. La ville hollandaise surgissait sur la terre basse, la terre creuse dérobée à l'océan et que l'océan d'un bond remplirait de ses vagues fécondes. Une discipline placide réglait les heures et les hommes. Derrière les petits étangs des vitres, on pouvait voir, dans les Spions, circuler des humains monotones. Une sonnerie grêle, une voix de bronze enfant, par intervalles rythmait la lente aventure. En ce temps, toute chose était ravissante. Comme des dieux tout-puissants, Jan et Anna van den Bosch veillaient sur l'enfant argenté pour qui les miracles ne cessaient de s'accomplir. Tout semblait immortel. Jan et Anna avaient toujours existé et dureraient toujours. L'enfant devenait une Jungfrau, pleine de songes, si contente de vivre que ses songes n'exigeaient presque pas d'espérance. Sur l'événement essentiel des vies adultes, personne jamais ne lui donna aucune précision. L'amour n'était qu'un mot, très familier et bizarrement lointain. La Jungfrau le voyait surgir dans des histoires sans couleur, sans saveur, sans odeur, et ne pressentait qu'une aventure aussi calme que les chambres tièdes ou les trottoirs savonnés. Ainsi, son immonde infortune n'évoquait rien qui se rattachât aux souvenirs, aux idées, ni aux rêves de Suzanne. Et si elle en ressentait de la honte, c'est qu'il s'agissait de ces régions que leur fonction même rend de ville. Une relation quelconque de son aventure avec la chose mystérieuse, belle ou touchante que devenait l'amour dans les revues blanches ou les livres bleus, eût semblé fabuleuse à l'esprit chenillé de la Batave. Elle n'était pas loin de croire à une manière de sortilège. Elle évoquait ces contes incohérents où des êtres hideux mêlent étrangement le bien et le mal. La fuite. Elle y songeait sans relâche, mais l'entreprise semblait surhumaine. Comment sortir de ce monde fantastique et épouvantable? En sortit-elle, la vigilance des hommes sangliers déjouée, comment traverser la forêt impitoyable? Elle le voulait cependant. Quand elle songeait à son retour parmi les hommes, tout son être palpitait comme un cœur. Une ruse simple la guida. Puisqu'on la laissait libre de ses mouvements, elle se mit à faire de courtes promenades qui chaque fois s'allongeaient un peu. On la laissait faire. Elle se croyait parfois bien seule, à l'abri des regards, et involontairement elle marchait plus vite. Des yeux luisaient dans un buisson, un visage, des membres, un coin de torse apparaissait, et elle connaissait qu'elle était guettée. Cependant, comme elle revenait toujours au gîte, la surveillance se relâchait, si bien qu'un jour elle se crut sauvée. Il y avait plus d'une heure qu'elle s'enfonçait dans la cile, et rien n'avait trahi la présence d'un homme sanglier. Alors elle résolut de tenter sa chance jusqu'au bout. Elle marchait depuis un temps indéterminé, lorsqu'elle perçut des pas assourdis, des pas humains, qu'elle avait appris à ne pas confondre avec les pas des bêtes. Elle feignit de n'avoir rien entendu. Elle continua à errer pendant quelques minutes. Puis elle retourna vers l'enceinte abominable. À mi-route, le chef de la forêt surgit, grogna comme d'habitude, elle la terrassa. Elle ne renonça point. Chaque jour, elle recommençait ses randonnées, mue plutôt par un instinct que par une volonté lucide. Elle devenait étrangement forte et résistante, comme si l'air de la sylve lui eût transmis les énergies millénaires. Un flair subtil se développait, flair animal qui lui faisait percevoir les présences invisibles. Ainsi savait-elle que l'heure n'était point venue. Et parfois désespérait-elle de la voir venir jamais. Mais sa jeunesse était en elle, qui lui défendait la résignation. Un après-midi, elle arriva près d'une rivière semblable, par la rapidité de sa course, à cette rivière au bord de laquelle campaient les hommes de Vandenbosch. Elle avait tracé sa voie dans la pierre dure. Pour atteindre l'eau, il fallait descendre parmi les rocs. Suzanne marcha longtemps, l'œil et l'oreille au guet. Soudain, un espoir plein de crainte lui monta du cœur. Dans une manière de crique, elle venait d'apercevoir un radeau grossier qui devait y être depuis des temps très longs, car des plantes d'eau avaient poussé par ses interstices. Suzanne perçut qu'une chance lui était offerte dans l'inextricable mêlée des événements. Tout autour d'elle, la forêt s'était ouverte, arrêtée par un sol de roches archéennes qui nourrissait à peine quelques lichens chétifs, avec de ci et là une fougère dont les racines s'accrochaient dans une fissure. Celui ou ceux qui la guettaient devaient être là-bas, parmi les arbres et les arbustes, à plusieurs centaines de toises. Elle ne songea qu'au présent. Les périls à venir ne parurent pas dans son imagination. Elle se mit à descendre parmi les rocs. Quand elle fut près de la crique, elle leva la tête et ne vit rien. Alors elle attira l'embarcation, dont la mare était depuis longtemps pourrie. Le radeau emporta la femme sur les flots homicides. Dans le bondissement torrentiel, menacée par les rocs aigus de la rive, cramponnée désespérément au bois humide qui menaçait de la jeter à l'abîme, Suzanne n'avait peur que de l'homme ou des hommes qui la poursuivaient. Une silhouette était apparue parmi les roches. Un visage bestial demeura un moment immobile, tourné vers la fugitive. Puis, poussant un meuglement de buffle, l'homme se mit à descendre. Il paraissait et disparaissait dans les interstices. Il n'était plus qu'à 10 ou 15 pieds de la berge lorsque le pied lui faillit. Alors, les bras tendus, il croula, roula sur la roche dure et demeura immobile, mort ou évanoui. L'épouvante des hommes domina longtemps l'épouvante des eaux. Dans les remous, dans les rapides, Suzanne se sentait continuellement menacée par la vie élémentaire, la vie des choses et des énergies qui menacent la frêle structure de la bête périssable. À la fin pourtant, son radeau lancé rudement contre un petit promontoire, elle débarqua. Elle était recrue de fatigue, ses vêtements aussi mouillés que s'ils sortaient d'une cuve d'eau, son âme désemparée et si triste qu'elle n'avait plus le courage de lutter. Elle grimpa péniblement sur une roche plate, exposée au soleil jaune qui précède le soleil rouge. Elle demeura inerte comme un reptile. Sans doute dormit-elle, car elle ne s'aperçut pas que la nuit approchait. Quand elle se redressa, ses vêtements étaient secs, mais le soleil rouge était au ras de la rivière. Elle le regarda disparaître avec stupeur dans une échancrure des rocs. Elle sentit la solitude immense qui s'abattait sur elle avec les ténèbres. Elle n'était rien. Pour la détruire, il n'eût fallu un tigre, un ours, ni même une panthère. Un loup y suffirait. Elle ne s'étonnait point. Sa faculté d'étonnement amortie, elle cherchait instinctivement un abri. L'ombre était venue avec ses étoiles. Le ciel trop pur buvait la chaleur et le vent fraîchissait. Découragée, Suzanne se couchait entre deux blocs, balbutia une prière et sombra dans l'inconscience. Elle s'éveilla sous des constellations étincelantes, parmi de l'eau, des ramures et des bêtes furtives, sachant bien que les vivants cherchaient les vivants pour les dévorer, et fragile, sans armes, sans instinct, elle était une faible proie. Mais elle ne connaissait plus la peur ardente, la peur pleine d'images décivilisées. La résignation sauvage était en elle, et déjà quelques abrutissements qui lui rendirent vite le sommeil. Quand elle se réveilla, le soleil du petit matin avait séché ses vêtements et réchauffé sa chair. Elle avait faim, mais ni dans la rivière, ni dans la sylve immense qui alimentait des millions de créatures, elle ne savait que faire pour trouver la plus humble nourriture. Mais on peut vivre plusieurs jours sans manger. Elle avait même entendu parler d'un homme qui jeûnait 40 jours. Elle n'osa pas repartir sur le radeau, sûre d'avoir, la veille, risqué 100 fois sa vie. Mais elle suivit le cours de la rivière torrentielle, dans l'espoir que c'était elle au bord de laquelle avait campé Vandenbosch. Elle marcha tout le jour, sans trouver aucune nourriture. Elle se traîna encore le lendemain, et encore la moitié d'un autre jour. Le désespoir n'avait d'abord cessé de grandir dans son âme. Puis la faiblesse avait obscurci sa pensée, et lorsqu'elle s'abattit au milieu du troisième jour, elle demeura longtemps à moitié évanouie, à moitié endormie. Le jour approchait de son déclin lorsqu'elle revint à elle. Elle vit, presque avec indifférence, deux hommes penchés sur elle. Le premier était Matzal, ce métis batteur d'estrade qui était venu annoncer l'approche des écorcheurs et le voisinage des hommes sangliers. L'autre était un serviteur du géant. Tous deux avaient été envoyés à la recherche de Suzanne. Elle les considéra avec un mélange de stupeur, de joie et de crainte. Matzal dit « Vous êtes sauvée, Jufraou. » Il y avait de la douceur dans ce visage fauve et ses yeux d'épervier. L'autre montrait une face aussi inexpressive que la face d'un buffle. C'était de la joie qui envahissait Suzanne, mais une joie lente, lourde et peureuse. « Nous serons poursuivis, » balbutia-t-elle. « Par les hommes sangliers, Jufraou ?»« Oui, » dit-elle. « Ils ne vous ont pas tué ?» murmura Matzal en hochant la tête. « Ils tuent tout, hommes et femmes. Jamais aucun captif n'est revenu. Nous avons des chevaux. Ils ne peuvent pas nous atteindre. Vous avez faim, Jufraou ?» Elle avait moins faim qu'avant son évanouissement. Mais lorsqu'elle eut avalé quelques bouchées, une voracité l'envahit. « Il faut d'abord manger peu et lentement, » dit le métis, qui n'avait donné qu'une mince tranche de pain. Elle obéit. Le compagnon de Matzal alla prendre deux chevaux cachés dans un hallier. Des bêtes maigres mais solides. La plus grande devait porter la jeune fille mauvaise cavalière et le métis. Elle apprit que le géant, Lodewijk, Hendrik, l'avait cherché en vain, puisque Matzal s'était enfoncé seul avec un compagnon de sa sorte dans les profondeurs de la Sylve où les autres auraient été dépistés. Toute joie avait disparu. Une honte obscure angoissait Suzanne. Il semblait que tout le monde devinerait son odieuse aventure. Et l'exaltation que sa chair avait subie lui apparaissait comme un acte inexpiable dont elle porterait à jamais la culpe. Cela flottait dans une conscience chaotique et douloureuse, monde instinctif où la pensée ne projetait que des lueurs indécises, tout de suite éteintes. Un jour passa, puis un autre. Le premier soir, la halte se fit dans une cabane abandonnée. Le soir suivant, Suzanne dormit auprès d'un feu allumé par ses compagnons. Elle avait repris sa vigueur et se sentait en sécurité. Étrangers à l'équitation, les hommes sangliers, s'ils la poursuivaient, devaient être à très grande distance. La tristesse persistait, comme les brumes d'hiver sur les polders. Elle se sentait indigne de rentrer dans la communauté des hommes blancs. Elle redoutait la vue de celui qui figurait pour elle la plus profonde tendresse humaine, sur qui se concentraient toutes ces vies persistantes que sont nos souvenirs. Parfois s'efforçant de définir l'état de son âme, elle se disait « Qu'ai-je fait? Pourquoi serais-je coupable? Et de quoi ?» Un flux de sang montait à son cou et à ses joues. Elle avait fini par découvrir où gisait sa responsabilité. C'était lorsque, malgré elle, malgré l'horreur, malgré le dégoût, elle subissait un retour de l'exaltation mystérieuse. Des jours encore. Le cinquième matin, Matzal dit « Nous arriverons avant la moitié du jour. » Il y eut l'immense désir de revoir Lodewijk et la honte de paraître devant lui. Rien qu'à l'odeur, on percevait l'approche des plantations, odeur d'aromates, parfums denses qui précédaient la vue des plantes. Puis Suzanne, le cœur défaillant d'émotions ennemies, vit au-delà des arbres, des fleurs et des arbrisseaux, la demeure spacieuse comme un château. Ce ne fut pas Lodewijk qui parut, mais le géant débonnaire. Il prit l'adolescente sur sa vaste poitrine et l'étreignit avec une tendresse timide. « Nièce, je t'ai cherchée en vain. Matzal pouvait seule demeurer invisible dans la forêt, parmi les rocs et les marécages. » Il n'osa dire qu'il l'avait crue morte, et il demanda d'une voix presque craintive « Ils ne t'ont pas fait de mal ?» Elle baissa la tête, défaillante, en balbutiant « Non, non. » Il était plus habile à lire dans l'âme tortueuse des malais que dans l'âme des jeunes filles. « Lodewijk et Hendrik te cherchent aussi, mon enfant, mais ils doivent revenir aujourd'hui. » Elle ne s'étonna pas de voir qu'il ne devinait rien, tellement son aventure lui semblait hors des choses humaines, attachée uniquement à l'être monstrueux avec qui elle s'était accomplie. Elle redouta un peu moins l'arrivée de Lodewijk. L'attente, l'étrange projection de la créature dans un avenir qui rend le présent insupportable et tente de l'annuler. Elle était épuisée d'impatience quand Vandenbosch lui dit « Ils arrivent ». Alors le grand tressaillement des retours, et quand le De Wyck parut, elle appartint toute au présent de sanglots, de joie et de tendresse. Cet orage d'âme couvrit sa confusion lorsque, à la même question qu'avait posée le planteur, elle répondit « Non, ils ne m'ont pas maltraitée ». Elle raconta pêle-mêle ce qui pouvait se dire. Les prisonniers dévorés, son attente, ses tentatives d'évasion, le radeau, la rencontre avec Matzal. Et parce que ni le De Wyck ni Hendrik n'allaient au-delà des paroles, elle espéra que le secret abominable ne serait jamais révélé. Suzanne vécut une vie neuve qui aurait pu être charmante. Une douceur tombait des hautes cimes sur les terres de Vandenbosch. Les soirs et les matins étaient tièdes, avec des fraîcheurs subites qui caressaient les chairs comme une promesse de bonheur. Suzanne aurait aimé ces constellations étrangères qui, tournant avec grâce autour de la Croix du Sud, suggéraient la légende australe, l'histoire à jamais voilée d'un monde dont les annales sont aussi perdues dans le temps que les antiques squelettes dans la terre dévorante. Elle sentait confusément la force des végétaux et leur véhémence. Dans un halo d'arômes, elle concevait la pauvreté de la terre creuse où vivait sa race et tombait dans de grands rêves qui eussent été beaux s'ils n'avaient été aussi tristes. Mais une mélancolie terrible pénétrait jusqu'à la moelle de ses os. Elle se sentait étrangère parmi les siens, chargée d'un secret honteux que les autres ne pourraient pas même concevoir. Quelque chose s'éveillait par les soirs immenses qui faisaient d'elle à ses propres yeux un monstre fantastique. Elle attendait dans la sylve cruelle la venue de l'homme, de la bête immonde. Un affreux désir passait dans son corps innocent et voluptueux. Désespérée et brûlante, elle refusait et désirait. Un jet de flamme la pénétrait, dont elle avait tellement honte qu'elle se mettait à pleurer. Ainsi, le mystère horrible demeurait en elle, mêlé aux battements de son cœur et aux plus intimes retraites de sa pensée. Elle essayait de se réfugier auprès des autres, de De Wyck surtout, centre de beaux souvenirs. Mais elle se sentait indiciblement étrangère, exilée de la race blanche, même des Malais ou des Jaunes. Une nostalgie double l'angoissait le jour et faisait de ses nuits un supplice. Avec des soupirs épouvantés, elle appelait la terre originelle, les innocences et les puretés, les songes lents, les doux canaux et les heures chantantes. Frissons éblouis des matins, naissance chaque jour recommencée, légende des vieux Bataves venus du fond des siècles, promesse sans borne, étoile des soirs où l'on projette sa jeunesse dans l'étendue. Puis, avec des tremblements du cœur et des membres, la nostalgie affreuse de la sylve, l'inconcevable mélange d'horreur et de plaisir. La nuit cruelle, l'odeur des fleurs amoureuses, parlait cette langue des démons qui fit brûler les sorcières. Elle se levait, elle priait, elle levait vers des astres inconnus ses mains suppliantes. Une nuit qu'elle souffrait ainsi, les chiens aboyèrent, quelques minutes seulement, et Suzanne, debout devant la fenêtre, vit une ombre se lever parmi les caféiers dans l'argenture de la lune. Elle savait déjà. Une terreur de mort appesantit ses épaules, et quand elle voulut crier, elle n'avait pas de voix. Le monstre surgit dans la pleine lumière. En peu de bonds, il fut auprès de la demeure. Puis Suzanne le vit accroché à l'allège. Elle fut de pierre palpitante, un bloc de chair paralysé. Il n'eut qu'à la saisir, à l'entraîner dans l'espace. Deux chiens vinrent en grondant, qui se turent quand l'homme sanglier leur eut passé la main sur le crâne, comme s'ils eussent reconnu un maître fabuleux. Suzanne ne bougeait pas, saisie par une fatalité comparable à la fatalité de naître et de mourir. Les jardins, les plantations se succédèrent, sans qu'elle eût rouvert les yeux. Elle sentait le brutal effluve du fauve, effluve de tigre ou de panthère, plus odieux à mesure qu'elle sortait de sa stupeur. La sylve fut là, la terre implacable des arbres et des bêtes, où finissait la loi de l'homme, où toute chose naissait et disparaissait, selon les rencontres de la force, de la ruse et du hasard. Subitement, elle fut déposée sur le sol. Elle sentit avec désespoir ce qui allait arriver. La brute reprit sa marche à travers la sylve, traînant après lui sa captive. Mais cette fois, la route fut assez courte. Autour d'un grand feu rouge, près d'une mare, une douzaine d'hommes sangliers dormaient ou veillaient. Comme le soir du premier enlèvement, Le chef disposa des feuilles pour Suzanne et lui laissa une peau de bête. Et Suzanne demeura longtemps plongée dans le mépris mortel de sa personne qui dominait tous les périls et tous les dégoûts. Elle devenait irréparablement étrangère à son humanité, étrangère à l'humanité affreuse qui l'avait ressaisie, plus étrangère encore à elle-même, à son enfance, à sa jeunesse, à chacun de ses souvenirs et à Lodewick même. Tous les tressaillements de la cive, toutes les palpitations de son cœur la condamnaient. La vie devint tellement impossible que Suzanne se sentait ensevelie dans les ténèbres comme un cadavre est enseveli dans la terre. Elle se souleva, elle épia le feu et les hommes farouches. Tous semblaient endormis, et peut-être dormaient-ils effectivement. Mais leur sens subtil restait ouvert sur l'ambiance. Le moindre bruit insolite les éveillait. La mare était toute proche, si proche que Suzanne se glissa jusqu'au bord et contempla l'eau dormante où la vie froide des poissons, des reptiles et des batraciens pullulait effroyablement. Des têtes s'étaient soulevées, des yeux avaient suivi les mouvements de la jeune fille. Mais la voyant immobile, les hommes rentrèrent dans le sommeil, inaptes à concevoir qu'un être puisse s'évader dans le néant. Un moment encore, Suzanne laissa passer les ombres du monde disparu. Les regrets planèrent dans le ciel noir, Lodewick passa dans une brume funeste, et se penchant, elle disparut parmi les algues, si doucement, si lentement, qu'aucune ouïe ne perçut le clapotis annonciateur de sa mort.